Today, I would like to explain about Sampajanya clear understanding, clear comprehension with the mindfulness. It is very important for us who practice the four foundations of mindfulness. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les Sampajana. Sampajana veut dire claire compréhension par l'attention. Il est très important, lorsqu'on pratique les quatre établissements pour l'attention, de développer Sampajana. Il s'agira de faire un effort puissant de pratiquer de façon assidue, de maintenir une attention ininterrompue et d'emmener cette attention avec soi tout au long de la journée. C'est cela Sampajana, c'est l'enseignement du Bouddha, c'est la claire compréhension. Si nous n'arrivons pas à la continuité de l'attention, ce ne sera pas facile de comprendre clairement. Et vous aurez pu le constater par vous-même, il est très important d'apprendre à être attentif de moment en moment. Dans leurs enseignements sur le Dhamma, les professeurs formulent les choses de façon peut-être un petit peu différente. Ils parlent parfois de noter, parfois ils parlent de porter son attention avec précision. Même si ces expressions sont différentes, la signification est toujours la même. Il s'agit toujours de focaliser l'esprit sur l'objet dans le but de le comprendre clairement. Le mot Sampajana ou Sampajanya, les deux prononciations sont possibles, comprend trois parties. Elles ont chacune leur propre signification. Sam veut dire par soi-même. Une autre signification de Sam, c'est à fond, clairement. Pa veut dire de diverses façons et jhana ou jhanya veut dire comprendre ou expérimenter. Sampajana ou Sampajanya veut donc dire que le méditant vipassana qui pratique selon les quatre établissements pour l'attention va réussir à comprendre de diverses façons. Donc la deuxième signification de Sam, c'était donc correct, juste. Sampajanya, c'est donc celui qui comprend correctement de diverses façons. Nous appliquons les instructions et nous pratiquons donc la méditation en posture assise, en marche et dans les activités quotidiennes. Lorsque nous pratiquons en posture assise, nous essayons d'appliquer les instructions et de noter le soulèvement de l'abdomen tel qu'il nous apparaît, ensuite l'abaissement de l'abdomen tel qu'il nous apparaît. Nous observons très attentivement ces deux mouvements. Lorsque l'abdomen se soulève, nous expérimentons un mouvement vers le haut, nous comprenons donc qu'il s'agit du mouvement de soulèvement. Lorsque l'abdomen s'abaisse, nous expérimentons un mouvement vers le bas et nous comprenons qu'il s'agit là d'un mouvement vers le bas, de l'abaissement. Nous voyons donc clairement, nous ne faisons pas d'erreur parce que nous sommes très attentifs. C'est cela la claire compréhension. Qui expérimente, qui comprend les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen? C'est le yogi. Le yogi arrive à cette compréhension par lui-même. C'est la signification de Sam. Il comprend correctement, lorsque le mouvement de soulèvement a lieu, qu'il y a là un mouvement de soulèvement. Lorsque c'est l'abaissement qui se produit, il ressent et comprend un mouvement vers le bas. Le yogi comprend donc correctement. C'est également la signification de Sam. Plus le méditant note, moins son esprit a tendance à vagabonder. Progressivement, il réussit à suivre sans interruption ces deux mouvements. Il n'y a plus de pensée. Son esprit est très stable, il ne vacille pas. La confiance va alors se manifester en lui et il va vouloir tout noter sans oublier quoi que ce soit. Au début, ce n'était pas possible de noter sans interruption. Le méditant ne voyait pas l'entièreté du processus. Il ne voyait que la partie la plus apparente, c'est-à-dire le milieu. Mais petit à petit, son attention se développe et il commence à voir plus clairement. Il est capable de maintenir son attention pendant toute la durée du processus et voit le début, le milieu et la fin du soulèvement, le début, le milieu et la fin de l'abaissement. Il voit toutes les parties de ses mouvements. Il comprend alors clairement à fond. Au début, le méditant s'efforce de suivre attentivement les mouvements de l'abdomen. Il ne s'occupe au début que de l'abdomen. Il ne s'occupe pas encore beaucoup des autres processus. Petit à petit, son attention va se renforcer, son esprit va se stabiliser et le yogi verra plus clairement. Lorsqu'il observera le mouvement de soulèvement, il constatera peut-être qu'il y a une espèce de force ou d'énergie qui pousse l'abdomen vers le haut. Lorsqu'il observe le mouvement d'abaissement, il est également capable de ressentir des sensations plus en subtilité. Il voit par exemple que le mouvement se produit très rapidement. Au moment de l'entretien, le yogi explique au professeur qu'au moment où il observait le mouvement de soulèvement, il a eu l'impression de devoir fournir un effort pour pousser l'abdomen. Lorsqu'il observait le mouvement d'abaissement, il a constaté que ce mouvement était très rapide. Tout ceci, ce sont donc des expériences authentiques que va faire le yogi lorsque son attention sera devenue plus forte. Comme son attention s'est développée, il voit des choses qu'il n'était pas en mesure de voir au début de la pratique. Il voit par exemple qu'à la fin du mouvement de soulèvement, il y a de la dureté. Ceci est possible. Il peut également avoir l'impression, par exemple, qu'il y a une force qui pousse son abdomen. À la fin du mouvement d'abaissement, il voit également peut-être qu'il y a de la dureté. Tout ceci, toutes ces expériences, c'est la claire compréhension Sampajanya. Lorsque votre attention est donc devenue forte, vous allez voir par exemple des sensations de tension au niveau de la taille, des sensations de pression, de serrement. Vous portez des vêtements et lorsque l'air entre dans votre corps, l'abdomen va se soulever et va provoquer toutes sortes de sensations. Lorsque l'abdomen s'abaisse au moment de l'expiration, il y aura également toutes sortes de sensations comme par exemple de la douceur. Plus vous êtes attentif, mieux vous voyez. Vous ne vous occupez plus des mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen en tant que tel. Vous êtes capable dorénavant de ressentir toutes sortes de sensations. Vous essayez de maintenir votre attention sans interruption. Vous pouvez dorénavant noter attentivement le mouvement de soulèvement. Et vous voyez que ce mouvement est fait d'une succession de petits mouvements et que cette succession se prolonge jusqu'à la fin du mouvement. Lorsque vous observez le mouvement d'abaissement, vous voyez que là aussi, il y a une succession de petits mouvements et vous êtes capable de les suivre attentivement. Cela, c'est Sampajana. S'il y a une succession de mouvements, de petits mouvements, il y a forcément une succession d'esprits qui notent. Tout cela, vous êtes capable de le voir, vous comprenez clairement, à fond, c'est Sampajanya. Et c'est la même chose lorsque vous pratiquez la marche ou que vous êtes attentif pendant les activités quotidiennes. Là aussi, vous êtes capable de voir très clairement tout ce qui se passe. Pendant la marche, vous observez le pas gauche puis le pas droit, éventuellement deux mouvements, peut-être trois. Vous êtes capable de suivre attentivement le processus du début à la fin. Vous le voyez dans son entièreté et vous voyez tout cela très clairement, sans discontinuer. Vous voyez très clairement parce que votre attention est devenue très forte et vous allez également réaliser très clairement par vous-même Anicca, Dukkha et Anatta. Nous devons comprendre ces paroles du Bouddha. Si l'esprit est instable, ignorant, il n'est pas capable de réaliser la véritable nature du Dhamma. Si la confiance est faible, vacillante, il ne sera pas non plus possible d'expérimenter la véritable nature du Dhamma. La compréhension ne sera jamais parfaite. Notre esprit doit donc être stabilisé sur l'objet. Voyons par nous-mêmes où nous en sommes à ce point de vue. Si nous constatons qu'il y a encore beaucoup de pensées dans notre esprit, cela veut tout simplement dire que l'esprit n'est pas encore stabilisé. Nous devons alors nous efforcer de le stabiliser, et pour y arriver, nous devrons fournir un gros effort. Tant que l'esprit sera instable, la compréhension sera imparfaite. Si l'esprit est ignorant, nous ne sommes pas capables de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous ne sommes pas non plus capables de faire la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux, tout simplement parce que l'esprit est embrumé. C'est pourquoi il faut essayer de développer la vigilance. Si l'esprit est ignorant de la véritable nature du Dhamma, c'est-à-dire si l'esprit ne comprend pas ni anicca, l'impermanence, ni dukkha, l'insatisfaction, ni anatta, le non-soi, ce sera difficile. Il faut donc développer l'attention, la renforcer. Si la confiance est faible, si la confiance n'est pas stable, ce ne sera pas non plus facile d'avoir la compréhension parfaite. Parfois, nous sommes très désireux de pratiquer, nous nous montrons très enthousiastes, mais à d'autres moments, c'est le contraire, nous pensons que nous sommes fatigués, nous allons nous reposer, il y a donc beaucoup d'interruptions et notre confiance n'est pas encore stabilisée. Il ne sera dès lors pas possible de comprendre parfaitement. Il y a trois choses à comprendre dans ces paroles du Bouddha. Tout d'abord, l'esprit qui est instable, l'esprit qui est ignorant de la véritable nature du Dhamma et la confiance qui est faible. Si l'esprit est instable, s'il est ignorant de la véritable nature du Dhamma et si la confiance est faible, forcément, la compréhension sera imparfaite, incomplète, et les connaissances vipassana ne vont pas se manifester clairement. Pour stabiliser l'esprit, il faudra développer l'effort, l'énergie. Lorsque l'énergie sera devenue puissante, nous deviendrons petit à petit conscients, sans interruption, de tout ce qui se manifeste en nous par les six portes sensorielles. L'esprit sera alors devenu très attentif. Sati, l'attention, sera donc développée. Il sera dès lors possible de comprendre clairement, parce que l'esprit ne sera plus ignorant. L'esprit n'est pas ignorant parce qu'il est devenu capable de se maintenir sur le mouvement de soulèvement, sur le mouvement d'abaissement et sur tout ce qui se manifeste à chaque instant. Il va alors développer la confiance. Cette confiance va devenir forte. Petit à petit, le méditant commence alors à comprendre la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Cette compréhension va se manifester spontanément. Il comprend également les causes et les effets. Nous devons donc être déterminés dans notre pratique et nous dire que nous devons faire un effort de façon à ce que les connaissances vipassana puissent se développer clairement en nous. Ici, en Belgique, les gens pratiquent l'escalade. Hier, j'ai eu l'occasion de voir des grimpeurs. Ils font beaucoup d'efforts pour atteindre le sommet. Une fois qu'ils sont arrivés au sommet de la colline, ils peuvent admirer le paysage et ils se sentent très heureux. Ici, c'est la même chose. Le méditant va essayer de développer son attention. Il devra faire beaucoup d'efforts pour y arriver. Mais dès qu'il aura atteint un certain niveau de compréhension, que les connaissances vipassana auront atteint un certain niveau pour lui, il va se sentir très heureux. Et il pourra le constater par lui-même. Il est devenu capable de noter tout ce qui se manifeste à chaque instant, mais également, il comprend anicca, dukkha, anatta. Il voit clairement anicca, il voit en quoi consiste l'insatisfaction. Il accepte tout cela, il est convaincus que les choses sont anatta, incontrôlables et que c'est ainsi. De cette façon, sa confiance dans le Bouddha, le Dhamma et la Sangha va se développer. Le Bouddha nous dit que si l'esprit est libre des impuretés, si l'esprit est libre de la colère, s'il a abandonné le positif et le négatif, si l'esprit est constamment vigilant, la personne est hors de danger. Le danger, c'est essentiellement le fait de reprendre naissance à l'infini dans le samsara, car les renaissances dans le samsara amènent automatiquement à la souffrance. Il faut vieillir, il faut tomber malade et il faut mourir. Mais un esprit qui est libre des impuretés, libre des passions, échappe donc à ce danger. À chaque moment d'attention, l'esprit est frais. Il est capable de faire la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Il n'y a aucune colère en lui. Lobha, dosa et moha sont absentes. Tant que l'esprit reste vigilant, il n'y a donc pas d'ignorance et la personne est libre du danger. Nous devons donc nous inspirer de ces paroles du Bouddha. Notre esprit est-il libre des impuretés? Est-il stabilisé? Détenons-nous la vigilance. Voyons tout cela par nous-mêmes. S'il n'y a pas de colère dans notre esprit, il sera possible de comprendre la véritable nature du Dhamma. Nous détiendrons alors Sampajana. Notre esprit sera stabilisé et nous comprendrons à fond. So I will stop here for today. I will continue Sampajana tomorrow. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are, then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Puissiez-vous tous être heureux et en paix. Puissiez-vous pratiquer la méditation de façon diligente. Puissiez-vous comprendre clairement le Dhamma. Puissiez-vous réaliser Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.